Chapitre 6e. La détresse de Wild Madge. Tous les gens de la maison s'étaient attroupés autour du maître blessé et peut-être mort. Ils n'étaient pas moins nombreux que ceux qui s'étaient déjà lancés dans la plaine, à la recherche de l'assassin, sur l'identité duquel ils n'avaient pas l'ombre d'un doute. Pendant que les assistants terrifiés regardaient l'un des leurs, qui avait des prétentions à la chirurgie, faire un examen attentif du corps, deux personnes à cheval arrivèrent, Mrs. Dennison et la fille adoptée, Wild Madge. « Juste ciel, qu'est-ce que cela peut vouloir dire ?» demanda Mrs. Dennison, en apercevant le groupe et sans nullement soupçonner quel prochain intérêt elle avait dans l'affaire. « Ses pères !» s'écria Madge, dont l'œil plus vif avait aperçu le corps étendu. Jetant sa bride par-dessus la tête du Mustang, elle sauta à terre et vola près de son père. Elle vit le caillot de sang sur sa poitrine et le trou qu'avait fait la balle. « Est-ce un accident ?» murmura-t-elle en s'agenouillant à côté de son père adoptif. « Point d'accident, c'est ce coyote rampant qu'on appelle Ralph Duncan. Ils ont eu un attrapage ici même et le boy lui a dit qu'il lui ferait son affaire. Et tonnerre, il la lui a faite dans les 10 minutes. C'est de la besogne de traître. Et vous pouvez bien parier qu'on lui fera souffrir la fin d'un traître avant longtemps. Ils sont sur sa piste et l'un des camarades reviendra avec 2 chevaux au lieu d'un avant le coucher du soleil. « C'est faux !» s'écria Madge, se dressant comme par un ressort en face de celui qui parlait. « Si ses lèvres mortes s'ouvraient pour proférer la même calomnie, je dirais que c'est faux. Ralph Duncan n'a jamais de sa vie tiré un coup de feu déloyal, et il serait mort plutôt que de faire du mal à mon père, un homme qui est devenu mon père lorsque, pauvre petite orpheline, j'avais le plus besoin de son appui. Je l'ai entendu dire au juge de prendre garde à lui, » reprit l'homme avec obstination. « Il a filé, et votre père a suivi, et quand il est revenu tout mourant, la seule chose qu'il ait pu balbutier, c'est que c'était le boy qui l'avait arrangé comme ça. » 2 ou 3 autres, très excités, se joignirent à la conversation, déclarant tous que l'acte avait Ralph Duncan pour auteur. Leur acharnement avait quelque chose d'horrible. Il eut du moins pour effet de détourner l'attention de Madge du corps de son père, qu'on emporta de la maison, inanimé, mais respirant encore péniblement. Elle donnait libre cours à l'indignation dont l'enflammaient ses accusations précises et multipliées, lorsqu'au grand étonnement de tout le monde, on aperçut les hommes sortis à la recherche de Ralph Duncan revenant vers la maison, tandis qu'à 100 mètres en avant d'eux, Ralph courait sur un mustang nu qu'il guidait de la parole, du genou et de la main, et qui arrivait ventre à terre, le cou tendu comme un oiseau. Il entra comme une flèche, et sans ralentir l'allure du cheval, appuyant un bras sur son dos, il sauta lestement à terre devant la porte. L'animal continua sa course folle le long de la maison, tandis que Ralph, bondissant hardiment, sous le portique, s'arrêta droit devant Madge. Qu'on ne s'étonne point si ceux-là qui étaient là reculèrent d'un pas ou de 2. Il tenait à la main un revolver, et à son dos pendait toujours sa carabine sharp. Il avait perdu son chapeau, ses longs cheveux ruisselaient en désordre sur ses épaules, et sa joue était marquée d'une petite ligne rouge, là où une balle venait de l'effleurer. « Madge, s'écria-t-il, dites que vous ne croyez pas à cette infâme histoire. Ils sont sortis pour me faire la chasse comme à une panthère de montagne. » Ils me sont tombés dessus sans crier gare, m'ont tiré 2 coups de fusil d'abord, et ensuite m'ont commandé d'arrêter, disant que j'avais massacré votre bienfaiteur. Ils voulaient me traîner à l'arbre le plus proche et me pendre comme un chien. Mais je me suis frayé un chemin à travers la bande, et je suis venu droit à vous. Où est-il? Dites-moi que vous ne les croyez pas. Il est trop vrai qu'il est mourant, mais que ce soit de votre main, je ne le croirai jamais. Maintenant que vous m'avez dit que l'accusation est fausse, je connais, moi du moins, votre innocence, et je la proclamerai jusqu'au bout. Merci. « 1000 fois merci. Maintenant, si je dois mourir, je mourrai, sachant du moins qu'il y a un être pour refuser de croire, ce que le monde acceptera peut-être bientôt pour la vérité. Un mot encore. Prenez garde à Damon Reeves. Je ne sais quel plan il peut avoir formé, mais ce que je sais bien, c'est qu'il a des gueux de sac et de cordes pour exécuter ses commandements. Harper Clyde est un homme, vous pouvez vous fier à lui, mais l'autre est un démon où je ne connais pas les gens. » Si ce n'est pas lui qui a tiré la balle qui a battu Tom Dennison, c'est du moins quelqu'un de sa bande. Pour moi, la résistance est inutile. Je voudrais qu'on me fie honnêtement mon procès, mais il n'y a pas grand espoir de ça. Je ne peux pas tuer des hommes qui jusqu'à présent ne m'ont pas fait de mal, mais qui ont été de ses amis à lui et peut-être des miens. Qu'ils me prennent et me pendent. » Il croisa les bras et tourna un œil sombre sur la troupe surexcitée qui descendait de cheval en désordre, juste devant la hacienda. « Non, non, vous ne devez pas mourir !» s'écria Madge. Avec une rapide décision. Fernel est là-bas, la bête la plus vite de toutes ces plaines. Elle est encore fraîche et en état de vous sauver. Dépêchez-vous, je les tiendrai en arrêt un instant. » Dans ses yeux brillait le feu d'une résolution soudaine et farouche. Elle s'élança en avant de son ami, tirant de sa ceinture un revolver de chaque main juste au moment où les pâtres se groupaient pour foncer. « Arrêtez là-bas! Pas un pas de plus! Le premier qui essaie de toucher Ralph Duncan, je le tue de ma main !» Les revolvers tendus menaçaient les deux hommes en tête. Ceux-ci reculèrent, car ils savaient que Wild Madge ne faisait point de vaines menaces et qu'une légère pression de son doigt sur la gâchette, c'était leur mort certaine. « Ne faites pas cela pour moi, Madge, pas pour moi. Voyez, je suis prêt à me rendre. »« Non, vous ne vous rendrez pas. Partez, sautez au bout du portique, et Fernel vous mettra en sûreté. » Elle parlait à demi-voix, d'un ton à la fois résolu et suppliant, se plaçant de manière à l'abriter plus complètement des armes des pâtres, tout en tenant sur eux ses yeux sévères, inflexiblement fixés. « Soit, par le ciel. Je découvrirai le vrai meurtrier, quand ce serait El Culebra, le fléau et la terreur de la prairie. Au revoir, Madge. Rappelez-vous mon avertissement. » Jusque-là, il s'était tenu les bras croisés, faisant face à la foule qui, devant les revolvers de Madge, n'avançait pas. Il n'aurait pas voulu attaquer au risque de blesser la jeune fille, pour qui ils avaient tous de la considération, ni d'ailleurs au risque de leur propre vie. Mais il se répandait en accusations et en reproches furieux. Tout à coup, Ralph vira sur ses talons et, bondissant le long du portique comme un daim, il fit, au bout, un saut de 6 pieds et courut auprès de la jument de Madge. La noble bête le connaissait bien. Elle n'eut point peur, ne fit point d'écart, mais elle le laissa rassembler les rênes et l'enfourcher. Puis, excitée de la voix et du geste, elle partit comme la flèche d'un arc. Une longue minute encore, Madge resta là, les mains tendues et le regard dur. Mais son visage devint livide, ses bras retombèrent le long de ses flancs et elle s'affaissa sur un banc, complètement épuisée, tandis qu'avec un cri sauvage, les pâtres se lançaient après le fugitif.